Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale avec moi-même Kevin Laramé. Et ce soir, pour parler du match en direct du Stade Saputo, Tristan Damour du magazine The Link de l'Université Concordia et aussi écrit pour Soccer by Ivis. Tristan, bonsoir. Salut Kevin, ça va bien? Oui, ça va bien. Et évidemment, le classique de 2017, ça va mieux que l'Impact de Montréal. Notre défaite, deuxième défaite consécutive, quatrième défaite consécutive à la maison. Et je pense que c'est un commentaire qui reflète vraiment l'association de l'Est au complet en dessous de la ligne rouge. Personne n'a le goût de faire les séries, je pense. Je crois que non. Je pense que tu as raison. New England? Se donne vraiment des chances pour. Se donne vraiment pas de chance. C'est assez clair du début du match jusqu'à la fin. À part peut-être une chance de Matteo Mancosu qui a un arrêt spectaculaire de Sean Johnson, c'était pas mal NYCFC de bord en bord sans David Villa et sans Andrea Pirlo, mais bon, Andrea Pirlo n'est pas un acteur qu'on aurait pensé, mais bon. Donc sans la star, NYCFC quand même capable de faire un 1-0, mais le 1-0, le score ne reflète pas vraiment le match. Ça aurait pu finir 6-0 si ce n'était pas de Van Bush. Non, ça c'est sûr. Si Orlando est capable d'en marquer 6 contre le Revolution aujourd'hui aussi, un autre équipe qui s'en va pas dans la bonne direction en cette fin de saison MLS. New York a passé proche d'en marquer quelques-uns ce soir. David Villa a manqué peut-être deux chances en or et autres pour l'équipe aussi. Mais tu as mentionné Mancosu qui a manqué une chance en or. Dimali a manqué quelques chances en or aussi. Mais je veux qu'on parle de Dimali, pas nécessairement côté positif de son jeu, mais le côté un peu individualiste qui a représenté ce soir. Probablement les meilleurs moments forts de l'Impact, oui, sont venus du côté individualiste, mais je pense que le jeu commun a manqué ce soir. Le jeu de transition entre le milieu, entre Piatti, entre Dzemali. Piatti s'est retrouvé toute seule sur son île toute la soirée et Dzemali s'est retrouvé en position jamais claire et toujours en train de retrouver le ballon dans ses talons finalement. Comment tu as trouvé le match de Dzemali et de Piatti ce soir? Oui, pas trop. Je mentionnais à quel point que Dzemali et Piatti, ça a été pas nécessairement un match facile pour eux ce soir. Côté se retrouver toujours isolé et sur son île pour Piatti. Dzemali, toujours avec le ballon dans les talons, jamais nécessairement présent au bon moment sur ses frappes. Oui, il y a un jeu où je me souviens assez vivement en première demi où Dzemali s'attend à voir le ballon et il a à peu près 3 heures des maritimes, là, c'est à peu près ça. Là. Il y avait vraiment un décalage sur la passe de. Je me souviens pas exactement qui était sur la passe, mais tu voyais vraiment Dzemali quasiment. Il était fâché. Il y avait une petite chaleur, là, qu'on dirait, là, où vraiment, je trouvais que c'était un. Là, je sors mon mot préféré. Je trouvais que c'était un bon microcosme pour le match qui était celui de l'Impact de Montréal, en fait. C'était beaucoup de. On dirait que, sincèrement, la communication ou quelque chose ne fonctionnait pas aujourd'hui. C'était peut-être un mélange de. Bon, la pression qu'amenait New York City. Ou en même temps que le certain manque de, on dirait, communication, quasiment organisation, dans un sens qui n'a pas permis à l'Impact d'aller chercher de franches chances, surtout, je pense, en première demi, en majorité, mais aussi d'aller chercher au moins un point ou même la victoire. Patrice Bernier, après la rencontre, Tristan a mentionné à Nicolas Martineau sur les ondes de TVA Sport à quel point que ce match-là manquait de grinta. Manquait un peu aussi de volonté. C'était un match dans le temps difficile qui a mentionné oui, mais c'est un match que l'Impact se devait de gagner, mais finalement, il ne l'a pas fait. Lorsqu'un capitaine mentionne les temps difficiles, est-ce que c'est encore plus difficile qu'on le croit? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas aussi? Est-ce que, en regardant cette équipe jouer, tu vois une équipe qui est dépassée par les événements? C'est sûr que quand on a une nouvelle de l'ampleur de l'arrivée d'un nouvel entraîneur du nom de Alessandro Nesta, et là, je vais prendre le temps de saluer un collègue à SBI Soccer, Larry Crooks, qui avait sorti cette nouvelle sur Twitter. Dans un certain sens, c'est sûr que ça vient donner un onde de choc. Je veux bien le fait que mais de toute façon, vous allez entendre sur les ondes Mauro Biello en parler. Peut-être en anglais, je me souviens pas exactement quand ça s'est produit, mais moi, quelqu'un qui dit « je regarde pas les médias sociaux », tout ça, j'y crois pas. Je finis par le savoir. Il y a quelqu'un qui vient te le dire. Ça doit faire son effet, le fait qu'un nouvel entraîneur pourrait s'en venir aussitôt que la saison prochaine. Et en même temps, en tant que joueur, ça doit quand même donner un certain choc. Pour que l'équipe veuille changer d'entraîneur, il doit y avoir un problème à quelque part d'autre. Puis on ne se le cachera pas, et si l'impact n'est pas en série, c'est que ça, c'en est un problème, justement. Par rapport à l'effet que ça a eu dans le match, on a une équipe devant NYCFC qui, en premier temps, retient ses coups, même s'ils veulent essayer d'aller dénicher la deuxième position dans l'Est. Mais quand même, on met David Villa sur le banc. On sentait que on met la pression tout de suite du côté de NYCFC pour aller chercher un but. Puis après ça, c'est bon, mais je m'attendais à ce que ça soit un peu peinard. Mais quand même, on met la pression. Et du côté de l'Impact, c'est difficile. Tu veux essayer d'aller chercher un point. Tu es déjà ébranlé un peu par la défaite qui s'est passée, la défaite d'avant. Et là, après, si on regarde un peu sur le futur, on s'en va pas n'importe où, là, samedi. On s'en va en altitude, à Commerce City, au Colorado, à Dick's Sporting Goods Park. Que les Rapids soient bons ou mauvais, c'est déjà quelque chose qui est très difficile, qui est très... comment je pourrais dire? Difficile, c'est le mot que je cherchais, en fait. C'est difficile sur les joueurs d'aller jouer, d'aller traverser le pays après avoir eu deux défaites consécutives. Et là, les chances des séries, c'est déjà... c'est mince, aussi mince que de la pâte philo. On va revenir sur les chances en série dans quelques minutes, Tristan. Tu mentionnais le calendrier très chargé de l'Impact en cette fin de saison, même si on, après le match de Colorado, une pause de deux semaines, je l'ai eu toujours cette pause-là, parce que je trouve qu'elle coupe le momentum de la fin de saison. Mais ce soir, c'est le quatrième match en 11 jours et on se retrouve samedi au Colorado avec le cinquième match en 14. C'est beaucoup demandé aux joueurs, oui, et c'est dur d'avoir des résultats. Pourtant, il y a eu un résultat qui a peut-être biaisé l'optimisme envers les séries, le fameux gain à Toronto de 5-3, qui a peut-être retardé un peu l'inévitable, ce qui est l'élimination de l'Impact de Montréal, des séries qui s'en viennent. Mais quand on regarde ce soir, il y a eu deux quotes, qu'on pourrait dire, de Mauro Biello durant la conférence de presse, que je trouve qui étaient très indicatives de ce qui se passe présentement avec l'Impact. Lorsque Mauro Biello mentionnait « je dois être tenu responsable des résultats de l'équipe », et aussi quand Mauro Biello a mentionné que c'était inacceptable de jouer comme ça devant ses partisans. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, je trouve que c'est inacceptable. On va se le dire, là, l'Impact, c'est pas vraiment présenté ce soir. Je veux bien. NYCFC, c'est une équipe qui est bonne, mais quand même. Et là, je vais passer par-dessus ce que j'appelle le plus petit regain d'espoir de l'histoire de l'Impact de Montréal, un bon trois jours où on pensait finalement que ça allait fonctionner. Je pensais que la ligne rouge, mais ça ne s'est pas fonctionné. Je vais passer aussi de ça en disant, du côté de l'Impact, on a en poche un gain à la maison, sur la route, contre Toronto FC, la meilleure équipe de la Ligue, qui n'avait pas perdu au BMO Field en MLS en saison régulière. Je veux dire, après, tu retournes chez toi et tu te prends un NYCFC, tu vois sur la feuille, le starting line-up, l'alignement de départ, que David Villa n'est pas là. David Villa, et ses 17 buts ou ses 18 buts dans ce coin-là, n'est pas là. À la place, on a Jack Harrison qui a très bien fait, mais qui n'est pas David Villa. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de moutarde en partant. Je veux très bien, on fait commencer, on en parlait un petit peu avant Francis, qui fait son premier départ, qui fait une performance qui est correct, mais à mon avis personnel, Francis n'a pas commencé un match encore en MLS. Et là, on est à côté au mur et on fait un premier départ. Puis en même temps, on laisse un gars comme Patrice Bernier qui lui reste deux matchs à la maison. Là. On se comprend, il reste deux matchs dans sa saison. Après, c'est la retraite. Et on fait commencer sur le banc. S'il y a une personne, à mon avis, sur cette équipe-là, qui voulait une victoire puis qui voulait allonger sa saison encore un peu, c'est Patrice Bernier. Ouais. Surtout que lorsque Patrice Bernier a fait son apparition dans le terrain, c'est bizarre, la meilleure chance de Montréal sont arrivées quelques minutes plus tard. Coïncidence, peut-être, mais c'est jamais vraiment une coïncidence avec Patrice Bernier. Quand il est sur le terrain, souvent, il y a une influence qui n'est pas toujours dictée par les statistiques, mais qui est dictée souvent dans les chances que l'impact a de... Des fois, c'est Bernier qui crée les chances vraiment au profond milieu, mais crée une opportunité d'aller vers l'avant, ou des fois, c'est même lui qui crée la passe décisive, mais souvent, il y a une créativité qui embarque avec Patrice Bernier. Ah, tout à fait, tout à fait. Et là, il reste qu'une opportunité pour voir Patrice Bernier pour les partisans de Montréal. J'espère que, parce que d'ici à ce match-là, les chances de série de l'Impact vont probablement disparaître. C'est aussi simple qu'une défaite contre Colorado mélangée avec une autre victoire de... Ah, mais ça n'est pas, ils ont annulé ce soir. Mais il suffit que les Red Bulls se retrouvent avec un autre victoire, un autre nul, et c'est terminé. Là. Donc, j'espère tout de même que le stade va être rempli pour voir le dernier match de Patrice Bernier. Cela dit, on se tourne vers une saison qui est à oublier. C'est l'Impact ne fera pas les séries. Comme tu disais, il manque qu'une victoire ailleurs. L'Impact n'a plus son destin dans ses mains, ce qui est toujours quelque chose de difficile. En ce moment, bon, moi, j'ai toujours tendance à vouloir, quand les espoirs ne sont plus là, moi, personnellement, j'ai tout le temps un vouloir de se tourner vers la jeunesse. Donc, j'espère que quand tout espoir sera fini, qu'on voit plus de David Chouinard, qu'on voit plus de Louis Bélanger, et qu'on voit moins d'acteurs qui ont des plus gros noms dans l'équipe, mais qui n'ont pas fait grand-chose cette année. Je vais pointer le doigt à un Hernan Bernadeau, je vais pointer le doigt à un Marco Donadel. En ce moment, les derniers matchs qui restent, où les espoirs sont finis, allez vers la jeunesse, allez vers préparer la saison d'après. Allez, faites jouer vos jeunes Québécois. Le monde va probablement regarder plus, de toute façon, parce que de voir plus de Québécois sur le terrain, ça déjà vient chercher l'intérêt des Québécois et des partisans d'Impact. Fait que, à mon avis, laissons faire les grandes chances. Je sonne pessimiste un petit peu, tu m'excuseras, mais dans un certain sens, préparons un peu l'année prochaine, Mauro Biello à la barre ou pas. C'est pas nécessairement être pessimiste, c'est quand même être réaliste à un certain point. L'histoire est garante du futur jusqu'à un certain point. Si on regarde l'histoire récente de l'Impact en 2017, je pense pas que ça va changer dans les trois derniers matchs qui restent. Donc si on parle en bas de 1.3 moyenne de points par match, on se retrouve en deçà et beaucoup du résultat et peut-être des 49 points nécessaires, 47 points nécessaires pour faire les séries. L'Impact est présentement à 39 et s'il continue dans la même veine, se retrouvera à peine avec 43 points d'ici la fin de la saison. Deux petits points pour terminer, Tristan. Je regardais aussi, tu parlais de la jeunesse. Dans les estrades ce soir, il y avait beaucoup de jeunesse. On regarde les Salazar, les Louis Bélanger et encore une fois, un Jean-Yves Baloutabla dans les estrades, encore une fois non disponible pour plusieurs différentes blessures. Oui, une certaine malchance, mais il y a aussi une certaine polémique qui a entouré Balou il y a quelques mois. Et depuis ce temps, ses apparitions sont faites très, très minces avec l'Impact de Montréal. Est-ce une corrélation? Est-ce une... Des fois, on pense qu'un joueur est prône à avoir plusieurs blessures et le timing de tout ça m'a l'air un peu quand même suspicieux. Est-ce qu'on va revoir Baloutabla avec l'Impact de Montréal? Oh, c'est la question à 1 million de dollars, ça. c'est vraiment difficile à répondre, à te dire une réponse claire, sans nécessairement vouloir jouer le gérant d'estrade. Mais je vais me prêter au jeu, puisque tu me le demandes. À mon avis, ça va être une question de calmer les ardeurs, parce que j'ai l'impression qu'à la fin de la saison, et à la fin de la saison, Kevin, on sait ce qui se passe, il y a un mois, et après, il y a la fin des transferts de janvier. Est-ce que les équipes qui, soi-disant, étaient intéressées, soi-disant, auraient eu de l'intérêt, mais n'auraient pas fait d'offres en juillet, quand il restait presque pas de temps pour faire des négociations, est-ce que eux vont vouloir le faire en janvier, quand ils vont avoir plus de temps? Probablement que ma réponse à cette question spécifique-là est oui. Est-ce qu'une offre va être acceptée? Si je me fie à la haute direction en ce moment, s'il n'y a pas une offre qui leur plaît, la réponse va être non. Mais pour jouer à 100% le gérant d'estrade, est-ce qu'on est sûr que la haute direction sera la même en janvier? Ça, c'est deux questions. Je t'en relance encore d'une autre question, Kevin, mais c'est une question qui mérite quasiment d'être posée à vue de tout le chamboulement qui se passe en ce moment avec les rumeurs et tout ça, avec l'impact. Parce qu'on, je sais que tu suis souvent la NASL et je regardais aujourd'hui le record en guillemets de Alessandro Nesta en tant qu'entraîneur et oui, c'est quand même pas si pire, 31-14-18 dans 63 matchs joués en ASL pour en tant qu'entraîneur du Miami FC. Mais une chose qu'on oublie de parler souvent, c'est avec qui Nesta s'est entouré quand il décide de devenir entraîneur-chef en 2015. Robinacci, un entraîneur de longue date en Italie et un journeyman joueur, un journeyman entraîneur avec beaucoup d'expérience à différents niveaux en Italie et en dehors aussi, qui se retrouve aux côtés de Nesta depuis 2015 et qui a donné plusieurs conseils à Nesta comment jouer. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'affiche, de Nesta en tant qu'entraîneur est quand même biaisé parce que, étant une ligue conçue de manière un peu différente que la MLS, les équipes qui ont vraiment beaucoup d'argent sont favorisées. Ils n'ont pas nécessairement de plafond salarial qui les empêche d'aller chercher les joueurs qu'ils désirent. Des joueurs comme Poku et d'autres noms qu'on a déjà entendus à MLS jouent pour le Miami FC en NASL et c'est ce qui explique aussi un peu l'affiche de Nesta en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir une équipe qui est un peu plus boostée comparée les autres. Donc, qu'est-ce que t'en fais de cette rumeur-là aujourd'hui qui est tombée depuis, oui, il y a quelques mois, on en entend parler, quelques mois, le mois dernier, lorsqu'il y a eu la fameuse séquence de 4 défaites, on avait entendu parler quelques rumeurs comme quoi qu'il y avait des coups de fil qui avaient été passés vers Miami et avec la rumeur sortie hier soir de Glenn Crooks de Soccer by FS et de WFAN, The Fan New York Radio AM. Il a parlé d'une source qui mentionnait l'entente avec Alessandro Nesta pour devenir l'entraîneur de Montréal la saison prochaine. Qu'est-ce que tu en penses de Nesta comme coach? Qu'est-ce qu'il a fait en ASL et qu'est-ce qu'il pourrait faire à Montréal et de la rumeur? La NASL, si on regarde à travers les années, c'est une bonne antichambre pour bon entraîneur. J'acquiesce le fait que tu t'as parlé d'une ligue qui est un peu qui favorise un peu les équipes qui dépensent un peu plus, qui n'est pas nécessairement une ligue qui est très grande. Mais on a eu dans les certaines années, si on se souvient dans le vieux temps, on a eu un Adrian Heath qui était avec les Aztecs, avec le Orlando City. Au début, quand ça avait commencé, on a quelqu'un comme et là je vais parler de Nesta, évidemment, Nesta qui on s'entend a choisi pas mal son endroit pour commencer à coacher. Nesta qui habite depuis longtemps à Miami, qui a une maison depuis longtemps, qui connaît l'endroit. Qui connaît les propriétaires, évidemment, les propriétaires surtout, italiens. Surtout Ricardo Silva, oui, et Ricardo Silva, pas oublié, oui. Exactement. Donc, c'était un endroit qui était quand même assez relativement confortable. pour Nesta pour commencer son parcours en tant qu'entraîneur. Et là, tranquillement mais sûrement, on a des bons résultats. On a la course vers le US Open Cup. Il y a eu Cincinnati, mais on n'oublie pas Miami dans cette course à la US Open Cup-là, où Nesta, il faut lui donner un peu de crédit là-dedans. Je crois qu'un gars comme Nesta serait prêt à avoir un poste un peu plus de haut calibre. On reste. Et là, peu importe qui me connaît va me savent que je suis un fervent partisan de la MLS en tant que tel. J'adore cette ligue, mais c'est quand même pas... En bon québécois, c'est pas le Pérou. C'est pas la plus grosse ligue au monde. Donc, pour un gars comme Nesta, qui peut-être voudrait continuer son coaching, aller en Europe et entraîner les meilleurs clubs d'Europe, la MLS, c'est une autre étape, c'est un autre palier à cette carrière future-là, cette carrière, cette deuxième carrière d'Alessandro Nesta. Donc, moi, personnellement, est-ce que je le verrais comme entraîneur à l'Impact de Montréal en 2018? Personnellement, j'aimerais. Mais, et là, je vais te diriger vers un Facebook Live qu'on avait fait quelques semaines plus tôt. Moi, un Mauro Biello, je voudrais qu'un Joey Saputo, qu'un Adam Braz, en anglais, on dit double down, qui fasse l'effort de dire ce qu'on n'a pas en ce moment avec l'Impact de Montréal, c'est un système de recrutage, les recruteurs. Donc, Mauro Biello, on en a parlé. Ça fait quoi, deux semaines de ça? Deux semaines qu'on en parle à Soccer Today, évidemment, sur la transversale et Off the Woodworks, la vidéo qu'on fait après les matchs. Exactement. Donc, pour en revenir à Nesta, je trouve que c'est un bon... il est prêt. C'est un bon... La MLS, c'est une bonne deuxième marche sur l'escalier qui est sa carrière de coaching. Et oui, je trouve... Et de toute façon, et pour faire une distance sur la NASL, la NASL a formé de très bons coachs, j'en parlais au début, mais là, je ne veux pas prêcher pour la paroisse, ma paroisse qui est le Cosmos de New York, mais je trouve qu'un coach comme Giovanni Zavarese, qui a dit qu'il quittait le Cosmos à la fin de la saison, pourrait se trouver un emploi à MLS aussi, qui pourrait être un très bon entraîneur dans la ligue qui est la première division nord-américaine. Mais il y a un point qu'on oublie des fois aussi. On parle de l'expérience limitée de Nesta en tant qu'entraîneur. Et oui, c'est un fait. Il a commencé à l'entraîner en 2015 avec Miami FC. Mais on oublie souvent sa carrière. Son extrême carrière, finalement, en Europe, pour l'Inter, pour l'AC Milan, en Ligue des Champions, en Serie A, avec les Scudetto, avec les championnats de la Ligue des Champions, avec Milan en 2011-2012. Oui, ça n'a pas été seulement ses meilleurs moments avec ses genoux de verre en cet endroit, mais il y a eu beaucoup de succès. Nesta a toujours été considéré comme un joueur très intelligent, surtout un joueur qui était capable de lire le jeu. Et de même, si on se rappelle, lors de son passage avec l'Impact de Montréal en 2012, surtout 2012 parce que 2013, on voudrait l'oublier, mais 2012, oui, c'était pas le plus rapide, oui, c'était pas le joueur qui était toujours en train de rattraper les adversaires, mais... toujours bien placé au bon endroit, au bon moment pour être efficace. Donc, ça, c'est une intelligence soccer qui ne se perd pas, donc, puis qui se traduit en tant qu'entraîneur. Mais tu sais quoi, Kevin? Puis je pense que le match contre NYCFC, c'est un bon moment pour en parler. Je vais transférer avec un gars comme Patrick Vieira, qui commençait son parcours de coaching. Il était avec l'académie du NYC, du Manchester City. Et. Qui gradue et trouve un emploi avec le NYCFC. Ben, Jason Christ a fait lancer pour faire de la place à Patrick Vieira, carrément, mais c'était un choix du Manchester City Group. Exactement, mais pour un gars comme Patrick Vieira, qui est aussi un joueur qui, dans son temps de joueur, était considéré comme un joueur qui était intelligent, était considéré, OK, on parle pas nécessairement dans la même position, mais de l'autre côté, pour un gars comme Patrick Vieira, de passer d'entraîner l'académie de Manchester City à entraîner un club de la France du NYCFC avec de très bons joueurs, avec un consortium qui est capable de le dépenser pour faire de cette équipe-là un des ténors de la MLS. Je trouve que c'est des parcours qui peuvent possiblement se ressembler dans un cas où Alejandro Nesta devient le prochain entraîneur de l'Impact de Montréal. Tristan, merci beaucoup pour ton temps ce soir. On peut suivre Tristan sur les réseaux sociaux à commercial Tristan D'Amour. Et on se retrouve après la pause avec les commentaires d'après-match de Mauro Biello et de l'entraîneur-chef du NYCFC aussi, Patrick Vieira. Merci Tristan pour l'audio. Pas de problème. Mauro, avec les dernières performances, une équipe qui ne semble pas capable de faire quoi que ce soit de bon défensivement. As-tu l'impression un peu que les joueurs sont en train de te laisser tomber? Ben, je pense que ce soir, c'était passé. Ça, c'est sûr. Je pense que dans tous les aspects, au niveau de qualité, au niveau physique, ils nous ont battus chaque fois qu'on avait le ballon. Match décevant, surtout quand on est dans la course. Et de jouer comme ça, de cette manière, devant nos partisans, c'est inacceptable. C'est quelque chose que on peut pas accepter ici, de voir une performance comme ça. Mauro, parle un peu de la contre-performance, mais est-ce que tu trouves que peut-être à court, qu'est-ce que tu vas leur dire avant le prochain match, alors que les performances sont se répètent un peu? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour relancer un match comme ça? Ouais, il y a trois matchs, et un après l'autre. C'est sûr qu'il y avait cette fatigue. Je ne vais pas faire des excuses, mais c'est sûr que tu voyais la fatigue dans les jambes sur certains joueurs. J'ai fait cinq changements pour lui donner un peu plus d'énergie, de quelque chose de plus, et ça n'a pas marché. Maintenant, on joue samedi contre Colorado. Et oui, il faut mettre de la fraîcheur en certaines positions. Et maintenant de travailler pour eux-mêmes. Tu commences, tu travailles pour ta job. Ça, c'est ce qui est important maintenant. Et à la fin, les gars qui veulent rester ici, les gars qui veulent jouer pour cette équipe, ils doivent donner tout. Mauro, évidemment, aujourd'hui, tu le sais sûrement, le gros sujet de conversation à Montréal autour de l'Impact, c'était cette histoire à propos de Nesta. Comment tu réagis quand tu vois une rumeur comme celle-là s'imposer en ville? Ça fait partie du métier. À la fin, moi, je peux juste contrôler qu'est-ce que je peux faire avec l'équipe. Toutes ces autres choses-là, ce sont des distractions. Mais pour moi, c'est de me concentrer sur ce que je dois faire. Et malheureusement, des choses comme ça, ils sortent. Et moi, je ne peux rien faire. Je peux juste essayer de mettre l'équipe dans les meilleures conditions de performer. Coach, when we spoke earlier this week or yesterday morning, you were saying how it's too late. At this point, you guys have to win out. Are you surprised to see this type of effort from your club in a do or die game? Yeah, I was disappointed for sure. I put some fresh legs in there, and you know, it didn't turn out the way I wanted. I knew that some guys were tired, but you know, I gave the responsibility to some other guys to give a little bit more because they're fresh, they haven't played, or they played very little, and it's disappointing that we weren't able to match their intensity. For sure, they were intense. They got back behind the ball, and they were able to close us down, win back ball. So. In the end, you know, we looked so tired. We looked like we were late and struggling throughout the whole game. Coach, picking up on Philip's question about the report of a new coach possibly for next season, you gave the typical answer of, you know, it's part of the job, and I think everyone appreciates that. But you're a human being. How much did it bother you today? How tough was today for you? No, to be honest, you know, I don't follow that stuff. I don't follow social media and all that stuff. For me, in the end, people are always going to talk in this business and say, you know, once the team goes bad, for sure, it's always the coach. And for sure, I'm responsible for the performance of the team. But in the end, yeah. So you know, it's part of it. And the same way, For me, it's important to focus on what I could control, and that's trying to prepare the team the best I could. And just on the goal, I'm sure you saw the replay by now, but I mean, there's a 1-2 between Harrison and Wallace, and your central defender leaves his position to slide tackle probably 25 yards from goal, where there would be no danger there. I mean, are you scratching your head as to why he felt that he had to slide tackle in that situation? No, I mean, I got to rewatch it. I think he tried to make a play there. It bounces off his knee and the other guy's knee, but for sure, you know, we had three guys in the middle there. If someone's going to go out and try to make a play, there needs to be cover, or you don't go out if you don't have the cover. And obviously, one was pulled out, there was no cover, and they got it behind, and they scored. So, yeah, definitely was a mistake, and these are things that can happen against good teams, and they hurt us. Ouais, Mauro, à la fin du match, Patrice a dit sur le terrain qu'est-ce qui manquait aujourd'hui et depuis quelques matchs, c'était simple, c'était la grinta. À quel moment est-ce que tu as senti qu'elle s'est perdue, cette grinta-là? C'est un mot qui est important pourtant au sein de l'Impact de Montréal. Sens-tu que c'est parti depuis une couple de semaines déjà ou que ce soir c'était plus évident que jamais? Non, parce qu'il y a deux matchs contre Toronto. Tu as vu une équipe différente que ce soir. Oui, un match difficile. Contre Atlanta, mais c'est un match après l'autre. Et pour cette équipe, c'est difficile de répéter ces matchs après l'autre. À la fin, on ne va pas cacher. On a des joueurs que c'est difficile de jouer trois matchs après chaque trois jours. Alors, à la fin, ça fait partie de la Ligue et de la saison. Et maintenant, il y a des joueurs qui, ça fait des années, qui jouent dans cette ligue, ils doivent se préparer, ils doivent faire tout ce qu'ils doivent faire pour être prêts physiquement. Sorry, just have you ever given up that many scoring chances in a game? It just seemed like there were a lot of pure scoring chances tonight. Did you see it the same way? Or? Yeah, they dominated us. We weren't good at all. We had right from the beginning of the game, giving balls away, non-fluid out of the back, mistakes in midfield. They were just running at us, and Bush made some saves tonight again. But it was a bad performance overall. Patrick, to have Jack come in and contribute like that, especially on a night when you give David a rest, how valuable has that been for you? Yeah, I think Jack is improving as a player. I think he's a better player today than he was last year. He's working really hard for the team. And, when we play the way we play today, we're always creating chances. And he scored a fantastic goal. I think there's no doubt about his talent. But he needs to keep working hard to keep developing his talent. What has made him a better player than he was last year? His work ethic. I think last year it was his first year in the MLS and he needed to learn a lot. At the same time, I think being next to Frank, David, Andrea, those type of players who conduct themselves fantastically well, I think he learned a lot among those players. And his work ethic in training has been fantastic. And when you have a talent and your work ethic is good, you're always going to be a better player. And I'm not surprised with the goal that he scored because I think he's got the talent to do it. But I still want more from Jack. Coach, with the playoffs around the corner, how gratifying is this win for your team? You really didn't have much to play for. You have a spot secured. You're going up against a team that's playing for their playoff lives here. We always have something to play. Our objective is always to win our next game as a football club, as a team. We want to finish as high as we can. And we had a lot to play for because we wanted to get as close as we can to Toronto. We want to get to the second place because that is the highest that we can finish. And I will keep challenging the players because we have to take one game at a time, like it would be our last game of the season. I want players to work really hard and to give everything that they have. Coach, you know, obviously you were talking about going as high as you can be, but obviously with the first place and the supporter shield kind of out of reach, it can be a little, there can be a little laissez-aller from the players. I guarantee you there's not going to be any laissez-aller. But in a situation where there is, you're playing a team that's pushing for a playoff spot, denying them a playoff spot, does it kind of boost the team a little bit? No, we concentrate to the game. It was important for us to perform well and to win the game. We want to finish higher as we can. So we want to finish second if we can. Atlanta is with us fighting for the seventh spot. Chicago is there fighting for the seventh spot as well. So anything can happen until the end of the season. And something that I can guarantee you is that every single player will be focused, working hard, and try to win our next game, because it's important for us to build this momentum. It's important for us to play well. It's important for us to win games, because more games you will win and more you will build the confidence. As good as your team was tonight, have you ever seen a game in which this season that your team missed so many pure scoring chances? It almost seemed like you could have had six tonight if you wanted. Yeah, I think we played really well. We created a lot of chances, and at the end we only scored one goal. And I think that is our problem this season. I think we don't score enough. I think we have to have this kind of ruthless in front of the goal a little bit more, because anything can happen during the game. They were really close to score the goal, and then we will be sorry for ourselves. And we have to finish the game much earlier, especially when you create so many chances that we did today. To go back to Jack, I don't know if you know this term, but in North America, second-year players that do poorly, we say they have a sophomore slump. I know you were talking about playing with Frank, playing with David a little bit, but is there one thing that you found from Jack this season that helped him avoid that sophomore slump? I think it's just him wanted to be a good football player. I think what I love about Jack is the passion and the love he's got for the game. He's always the first one on the field in training, and he will be the last one to leave. He just wants to have the ball on his feet and just kick it around and play with the other players around him. And I think being around some top players that we have in our team is learning about how to be a good professional. And I think when you mix all these ingredients, he's improving, and that's what we want. We work hard to take him from the draft last year, and because we saw that talent, and we work well, we worked really hard, and we tried to improve this talent. So in hindsight, it was a great trade, right? Sorry? In hindsight, it was a great trade after all? Yeah, this one was good. Merci à Tristan Lamour pour son temps, premièrement, au début de l'émission, et pour les entrevues d'après-match avec l'entraîneur de l'Impact de Montréal, Mauro Biello, et l'entraîneur du NYCFC, Patrick Vieira. Alors, les commentaires de Vieira résumés en quelques mots en français. Il parlait que son équipe ne voulait pas seulement le laisser. Il y a toujours de quoi pour se battre en MLS, toujours de quoi pour se battre en tant qu'équipe, pour mieux jouer, se battre pour finir le plus haut possible au classement, pour essayer de rejoindre Toronto si c'est possible. Et c'est ce que Patrick Vieira mentionnait, que non, son équipe ne rentrera pas dans les pièges de jouer contre une équipe qui se bataille pour les séries, mais de faire son match et de bien jouer et d'être capable de sortir de n'importe quel match avec un résultat. Et c'est ce que Patrick Vieira mentionnait aussi, c'était de simplement bien jouer et de se concentrer match après match, de se concentrer sur chaque match. Chaque match est important. En parlant de Jack Harrison, mentionnait que Jack Harrison était un joueur très professionnel, qui agit de manière très professionnelle, et il était capable de s'inspirer des Frank Lampard, des David Villa, des Andrea Pirlo et compagnie ces quelques dernières années. Et cette année, sa deuxième année, est aussi productif, presque 10 buts, je crois, cette année pour Jack Harrison. Donc, une année productive et qui a pu supporter ce soir un David Villa qui n'a pas débuté le match, qui a commencé sur le banc et qui est venu plus tard en deuxième demi, mais est capable de donner un bon repos pour David Villa qui pourrait être utile dans les quelques semaines à venir. Oui, NYCFC est quand même un bon quelques points derrière Toronto. Regardons le classement rapidement en terminant l'émission. Le classement présentement, samedi soir, à 11h44, on se retrouve avec... attendez, donnez-moi un petit instant, je l'ai perdu, évidemment, c'est ça. J'en ai besoin, je l'ai perdu. Donc, si on regarde, New York City FC se retrouve toujours deuxième dans la conférence de l'Est, avec 31 matchs joués, 55 points, 7 points derrière Toronto. Donc, si Toronto a un petit... continuation de glissade, deux défaites de suite, encore une fois, pour Toronto. J'en doute, mais 7 points derrière, 3 matchs à jouer pour New York. C'est peut-être tard pour terminer premier dans l'Est et peut-être avoir le bouclier des supporters. Toronto est en meilleure posture, mais quand même, l'équipe de Patrick Vieira, c'est ce que Patrick Vieira a mentionné après le match, va se battre jusqu'à la fin pour terminer le plus haut possible dans la conférence de l'Est. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. À commercial sur Transversal, évidemment, sur la page Facebook aussi, facebook.com/ sur la Transversale et mes réseaux personnels à commercial Kev Laramé. Encore une fois, merci à Tristan Damour pour s'être joint à moi encore une fois pour cette émission et, comme à l'habitude, je vous souhaite bon soccer.